cravate et des lunettes noires. On court vite, on espère qu'il y aura une suite. Les blessures sont jamais graves, même si les musiques sont pour raves. Y'a toujours du suspense et de l'amour, des rires et des coups de tatane comme dans les films de Jackie Chan. Possible en tuant des gens. Heureusement, pour taper sur les méchants, y'a toujours le héros qui les tabasse, mais pas trop. Il est cool, il a jamais les boules, mais il doit être constipé parce qu'il va jamais au WC. L'amitié finit toujours par triompher, et tout finit par une vanne comme dans les films de Jackie Chan. Les ennemis, le héros, il est vachement beau. Mais parmi ses proches, y'a toujours un ami moche. Y'a aussi, parmi ses amis, un petit gamin qui est rapide et malin. C'est facile, c'est pas soupil, pas de mal de crâne comme dans les films de Jackie Chan. De Jackie Chan. Chez Jackie Chan. Jackie Chan.